Éducateur, instructeur, professeur, à l'école, en classe, en colonie de vacances, dès que vous avez une minute libre, consacrez-la à une causerie éducative sur le sida. Cela entre dans le cadre de vos obligations scolaires. Les latins disaient, il faut un esprit sain dans un corps sain. Éducateur à l'école, au collège, au lycée et même à l'université, les parents comptent sur vous pour les épauler dans cette exaltante tâche d'éducation des jeunes. Parents, ne vous couvrez pas la face. Dites à vos enfants, dites à ces jeunes tout ce que vous savez sur et contre le sida. Chercheurs du monde entier, attention, c'est à vous qu'appartient l'efficacité de la lutte contre le sida. Nous attendons le vaccin, nous attendons le médicament. Ils tarderont à venir, certes, 5, 10 ans. Échangez-vous les expériences, ne travaillez pas en cercle fermé. Le temps presse, le mal vous lance progressivement un défi qui paraît inébranlable. Comme Pasteur, comme Fleming, comme Curie, comme tant d'autres génies au siècle dernier. Tâchez à votre tour vaincre ce mal qui terrorise l'humanité. Chassez du corps humain ce fléau qui l'anéantit. Ne perdez pas du temps en vous disputant sur la paternité de telle ou telle découverte. Cela ne vous avancera pas. Bossalam, salam, mama. Va chercher botika, coca, bola, bicolo, mama. Médecin, vous savez mieux que quiconque comment le sida s'attrape. Ne montrez pas aux malades que vous avez peur de lui. Ne détruisez pas par votre langage, par votre comportement, le moral du malade. Même s'il est mourant, c'est par vous que tout le corps médical prendra courage pour soigner cette terrifiante maladie, le sida. Médecin, attention au secret médical, c'est un secret professionnel. Le dossier du malade ne concerne que le malade ou ses proches. Ne dites pas à n'importe qui, n'importe quoi, qui puisse éveiller la panique. Votre devoir est, comme toujours, sacré. Infirmière, médecin, chercheur en médecine, toute la société a l'œil fixé sur vous. S'il y a miracle, il proviendra de vous. Infirmière, attention aux seringues et aiguilles déjà utilisées. Mettez les gants quand vous touchez du sang. Gouvernants des pays riches, aidez les pays pauvres, offrez-leur les moyens de lutter contre le sida. Ne leur fournissez pas des armes qui les incitent à s'entretuer. L'arme idéale, c'est la lutte contre le sida, frères et sœurs. Nations du monde entier, entraidez-vous. Faites des échanges sur vos expériences sur le sida. Multipliez rencontres, conférences, afin que des connaissances se développent. Autorités politiques, utilisez les radios, les télévisions, les journaux pour informer les populations de danger du sida. Il faut les informer comment en être protégés. Un même combat doit nous mobiliser. Nous devons tous lutter contre le sida.